Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée aux grandes expositions d'histoire qui se tiennent ces temps-ci en France et à Paris. Lundi, nous nous sommes promenés dans l'exposition « Moi, Auguste » consacrée au premier empereur romain, une exposition biographique au Grand Palais à Paris. Hier, mardi, nous vous avons présenté deux expositions jumelles de Bourg-en-Bresse et du Musée des Beaux-Arts de Lyon autour des peintres dits anecdotiques ou des peintres d'histoire de la première moitié du 19e siècle, l'invention du passé, une sorte de peinture de groupe en l'occurrence puisqu'il s'agissait d'un groupe de peintres dont certains étaient les élèves de David. Demain, nous évoquerons une exposition qui ouvre ces temps-ci consacrée à la libération de Paris, une exposition quasi historiographique puisqu'elle reprend une exposition faite dès 1944 autour de cette même libération de Paris. Et aujourd'hui, avec Perrine Kervran et avec Susanna Gallego qui lui a servi de guide, nous allons visiter l'exposition Paris 1900 au Petit Palais à Paris, une exposition qui dure jusqu'au 17 août prochain. Nous serons avec Christophe Le Ribaud, il est directeur du Grand Palais, avec Gaël Rio, elle est conservateur au Petit Palais, directeur du Petit Palais, excusez-moi. Gaël Rio est conservateur au Petit Palais et Dominique Khalifa est professeur à Paris 1, spécialiste du 19e siècle et il prépare justement un livre sur la Belle Époque. Bonjour Perrine Kervran. Bonjour. Alors, vous nous présentez cette exposition dont on va parler jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. Oui, alors voilà, c'est une exposition donc, au Petit Palais, donc à ne pas confondre avec le Grand Palais, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois avant de commencer l'émission. Mm-hmm. Donc une exposition au Petit Palais, le Petit Palais qui a été construit justement pour l'exposition universelle de 1900. Et donc une exposition qui nous donne qui nous fait un portrait de la vie parisienne à l'époque. Donc l'exposition commence avec cette évocation de la grande exposition universelle. À travers les constructions qui ont été faites dans l'idée de pouvoir accueillir cette exposition, puis à la fois de ce qu'on pouvait y voir, et puis il y a aussi une partie donc, sur le mobilier, sur les bijoux, sur tout ce qui était art nouveau qui se développait à ce moment-là. Il y a toute une partie aussi sur la mode, sur la figure de la Parisienne qui a fait rêver à l'époque. Une partie aussi sur la nuit parisienne, alors à la fois la question des maisons closes, de la prostitution, puis aussi la question du spectacle, du cinéma. Donc c'est une exposition très complète qui nous offre un voyage comme ça dans le Paris de 1900. Alors Christophe Le Ribaud, bonjour. Pourquoi avoir décidé de rassembler ainsi à la fois les œuvres de l'art de l'époque, mais également la pensée sur l'urbanisme, puisqu'il y a toute une partie consacrée par exemple au métro parisien et l'invention du métro, et cet urbanisme remodelé par l'exposition universelle? Alors au Petit Palais, puisque c'est au Petit Palais, bien sûr. Il a été construit en 1900, comme son grand voisin d'ailleurs, donc c'est normal, et sous la direction du même architecte, donc tout ça est logique. Nous le célébrons en 2014, mais c'est une manière d'évoquer finalement le centenaire de la Première Guerre, en évoquant le monde d'avant, cette fameuse belle époque, et un moment où Paris est très optimiste, attire une foule incroyable pour l'exposition universelle et doit effectivement, du point de vue de l'urbanisme, mieux s'équiper, créer des nouvelles infrastructures, de nouvelles gares, le métro et quantité d'autres bâtiments permanents et puis évidemment beaucoup d'installations qui seront détruites à l'issue de l'exposition. Galerio, c'est un... Bonjour. Bonjour. C'est une période qui est à la fois connue et un peu méconnue dans l'histoire, en particulier des arts de la fin du 19e et du début du 20e, qui a longtemps été marginalisée, voire un peu méprisée. Comment faire pour justement la remettre en avant, cette période de 1900? Alors justement, on a voulu présenter à la fois, bien sûr, l'art nouveau dans un des pavillons qui lui est consacré. Mais on a voulu aussi reconstituer en fait une sorte un salon de 1900 avec un accrochage particulier. Quand on regarde les photographies d'archives, on voit les peintures qui sont accrochées sur plusieurs niveaux, sur les murs, sur les cimaises et puis les sculptures au centre. C'est ce qu'on a voulu reconstituer. Et on a voulu rendre hommage aussi au fait qu'à Paris, à cette époque, au tournant du XXe siècle, c'est plutôt un résumé en fait de tous les courants artistiques précédents qui sont présentés. On voit aussi bien accrochés côte à côte des impressionnistes que des artistes beaucoup plus académiques, tels Bouguereau, Gervex, que des artistes symbolistes comme Redon, Léandre. Et finalement, c'est justement, on a vraiment voulu insister sur le fait que Paris est la capitale des Beaux-Arts, mais c'est plus le lieu finalement où tout se montre que le lieu où tout se crée à l'époque. C'est le lieu aussi où on vient, puisque c'est l'année suivante qu'arrive Picasso, par exemple, c'est ça? Tout à fait, et on a voulu aussi justement mettre en valeur ce rôle de plateforme, en fait, hein, d'échange culturel et artistique. Les artistes étrangers viennent à Paris pour se former, dans les académies, à l'école des Beaux-Arts. Ils viennent aussi pour exposer dans les salons, et puis ils viennent aussi pour vendre leur art. Donc dans les galeries, les salons se développent à l'époque. Et il y a le rôle aussi des grands marchands d'art, tels Ambroise Vollard. Alors, Dominique Khalifa, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'historien de la bande, pourrait-on dire? Oui, on va faire en sorte. Alors, vous travaillez ces temps-ci, après avoir travaillé sur bien d'autres sujets du 19e siècle, sur cette période dite de la Belle Époque. Il y a qui m'a toujours intéressé. Voilà. Oui, mais il y a une sorte d'aggiornamento à faire en point de vue historique sur cette période de, mettons, 1890-1900. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. On a voulu l'avoir à juste titre comme un des laboratoires du XXe siècle de la modernité. Et de la modernité, sur le plan culturel, comme vous l'avez rappelé, Gaël, mais aussi sur le plan politique, sur le plan social. Effectivement, on est à un moment où beaucoup de choses se mettent en place qui vont irriguer toute l'histoire du XXe siècle. Mais la question de la singularité et de l'exceptionnalité de cette période, qui est au cœur de cette exposition, ça me semble effectivement quelque chose qu'il faut interroger, quoi, qu'il faut vraiment réinterroger. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu y voir, et on continue d'y voir d'une certaine manière, effectivement, un sorte de moment pivot dans lequel Paris, effectivement, serait presque au cœur de la pensée universelle, de du la monde, création du universelle. Monde. Ce qui est juste, mais ce qu'il faudrait peut-être aussi repenser avec les catégories des acteurs. Est-ce que les Parisiens, qui sont en gros ces gens d'il y a nos arrière-grands-parents, ont-ils eu le sentiment de vivre ce moment exceptionnel? C'est une question difficile, mais je crois que ça nous permettrait effectivement d'avoir une vraie vue sur l'exception de ce Paris 1900. Perrine Caron. Oui, d'ailleurs, dans un des textes qui accompagne ce catalogue, qui est très riche, il y a justement cette idée de comparer avec la Belle Époque et les années folles. C'est-à-dire les années folles, c'est quelque chose qu'on a baptisé après la Belle Époque. C'était finalement ce qu'il y a eu avant 14, mais sans la conscience de 14 qui allait venir, c'est-à-dire dans un moment d'inconscience en tout cas. Ça, c'est sûr que ils n'attendaient pas, et s'attendaient pas à voir l'Europe basculer. Ils s'attendaient peut-être à un conflit à un moment ou à un autre, mais peut-être pas à celui-ci. Il y a un historien italien qui s'appelle Emilio Gentile, et que vous connaissez sans doute, qui a développé cette idée. En fait, on veut voir la Belle Époque comme un moment d'insouciance, de légèreté. Et lui, au contraire, essaye de montrer que très très tôt, dès les années 1902, 1903, 1905, on voit se multiplier les scénarios apocalyptiques, les prévisions terribles qui, en fait, anticipent. Mais oui, bien sûr, mais je crois qu'on pourrait dire ça aussi toutes les périodes, hein, si on creuse un petit peu sur la façon dont les contemporains imaginent ou perçoivent l'avenir, on pourra trouver des visions, et dans toutes les époques, des visions pessimistes et des visions optimistes. Ça, c'est une question après de regard et de quantité et de verre plein ou vide. Alors, vous avez visité cette exposition, Perrine Caron, en compagnie de Susanna Gallego, qui est une des conservatrices et des conceptrices de cette exposition avec nos autres invités. Et elle vous a présenté d'abord la question du métro, c'est cela. Voilà, puisque l'exposition commence sur l'exposition universelle, sur les aménagements qu'il a fallu mettre en place pour accueillir cette exposition. Le métro a été un de ses aménagements principaux et donc on s'est arrêté devant une entrée de métro. Paris était une ville qui n'avait pas du tout de métropolitain, contrairement à Londres. Donc en 1900, sont entrepris des travaux assez titanesques pour conduire les visiteurs à travers la ville. Donc la ligne 1, on montre aussi un tableau dans lequel on voit le percement de la station Louvre-Rivoli. Et bien sûr la RATP qui se veut moderne, qui ne s'appelle pas encore RATP, mais donc la gestion du métropolitain parisien, qui se veut moderne et à la pointe de l'innovation, commande à Hector Guimard, qui à l'époque a gagné le concours du Castel Béranger, qui est un architecte montant, lui commande ces entrées de métro que nous connaissons encore aujourd'hui et dont nous montrons ici une partie, puisque c'était des entrées avec ce portique métallique que nous montrons ici, avec ces deux brins de muguet qui sont les montants latéraux et le cornichon, la partie centrale avec le lettrage, qui avait aussi une verrière à l'arrière. En fait, le modèle le plus complet aujourd'hui à Port-Dauphine. Donc il commande à Hector Guimard ces entrées-là, que le jeune architecte investit avec enthousiasme et qu'il fournit très très vite, et qui laisse tout le monde un peu médusé, puisqu'elles sont tellement modernes que les gens ne savent pas trop quoi en penser. Les critiques sont positives en partie, mais on ne sait pas trop comment décrire ces entrées. On parle de libellules, d'animaux un peu fantastiques. Et en fait, les Parisiens ne vont jamais vraiment les apprécier. Elles vont être rapidement démontées. Le métro cesse la collaboration avec Guimard en 1904. Elles seront quasiment sur le point de disparaître, ces entrées. Et c'est le classement par Malraux dans les années 60 qui va les sauver. Peut-être c'est l'occasion de parler aussi de comment sont conçues, comment sont fabriquées ces entrées de métro. Donc c'est de la fonte. Il y a des moules, je crois, dans lesquels on coule ces portails. Comment ça s'organise à l'époque ? C'est vraiment du travail de ferronnerie, c'est des grands fours, c'est de la fusion, c'est vraiment le métier du feu et de la capacité à manipuler des très grands moules, des très grands poids. On a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec la RATP qui nous a prêté cette entrée, qui est venue l'installer avec ses hommes, des gens qui ont, ils ont une très belle collection de beaucoup d'objets reliés au métro, mais ils ont rarement l'occasion de montrer ces objets de la technique et de la technologie de pointe de 1900 dans le contexte artistique d'un musée de beaux-arts. La fin du 19e siècle est vraiment le siècle du fer. Le métro est l'un des exemples parfaits. C'est le comble du comble de pouvoir se déplacer à grande vitesse dans des réseaux ferrés insérés dans la ville qui demandent un aménagement exprès pour ça et qui demandent de repenser la circulation des gens et qui demandent de repenser aussi le mobilier urbain. C'est un choix moderne, un choix décidément tendu vers l'avenir. Susanna Gallego qui vous présentait donc un des objets de cette exposition Perrine Kerbron, à savoir cette entrée de métro. Alors Gaël Rio, une des choses qu'il faut avoir en tête quand on s'intéresse à cette période de 1900, c'est l'importance de cette exposition universelle de 1900, par le nombre des participants, par le nombre des pays présents, par les innovations techniques qu'on va y présenter, le trottoir roulant de 3 km et quelques, mais également les 83 047 exposants et les 44 694 étrangers. Oui, tout à fait. Alors déjà, l'exposition universelle, c'est 51 millions de visiteurs qui viennent à Paris en 7 mois. L'exposition universelle est inaugurée le 14 avril, elle ferme le 12 novembre. Donc 51 millions de visiteurs, c'est considérable hein, pour l'époque. Pour vous donner un ordre d'idée, la France compte 41 millions d'habitants à l'époque. Paris, à peu près 2,7 millions d'habitants. Et puis, c'est un espace aussi, l'exposition universelle. C'est un espace à peu près de 104 hectares à Paris et complété par un espace au bois de Vincennes. C'est 4 fois... l'ensemble des expositions universelles qui ont eu lieu auparavant, c'est ça, exactement, à l'intérieur de Paris, la surface en exactement, c'est la plus grande exposition universelle qui s'est tenue à Paris, hein, comparée aux quatre précédentes de 1855, 60, 67, 78 et 89. Et puis c'est évidemment une formidable réunion aussi de tous les pays. Il y a notamment cette rue des Nations, située actuellement sur le Quai d'Orsay, où il y a 22 pavillons des Nations qui sont représentés avec des architectures tout à fait étonnante, des architectures vernaculaires représentatives de chaque pays. C'est comme un grand décor en fait de carton-pâte hein, que l'on peut voir. Avec quelques monuments qui sont destinés à rester, comme le Grand Palais ou le Petit Palais, la plupart d'entre eux sont destinés à être détruits. En fait. Évidemment, tout à fait. Le principe de cette exposition universelle, c'est vraiment une architecture éphémère. C'est vraiment une ville dans la ville qui se construit pour cette occasion. Perrine Kerbron. Et puis, on a l'impression en parcourant cette exposition, en lisant le catalogue Galerio, que cette exposition universelle est aussi un peu plus légère, un peu plus orientée vers la fête que les autres, et que finalement, c'est moins l'occasion de parler de choses sérieuses, de l'industrie, etc. On a quelque chose de plus léger. Alors, c'est vrai, disons, je dirais que les inventions techniques sont un peu un prétexte pour l'attraction. C'est comme une grande fête foraine géante. Il y a de nombreuses attractions. On une en montre roue. Certains exemples, comme la Grande Roue, bien sûr, qui est construite pour l'occasion, qui est une formidable attraction très très populaire, qui peut accueillir 1600 personnes en même temps. Il y a d'autres attractions comme le Palais de l'Optique. Certes, il y a une invention technique qui permet d'attirer les visiteurs, mais il y a aussi tout un décor autour avec un restaurant à décor lunaire. Donc l'aspect en effet festif l'emporte davantage sur l'aspect didactique. C'est la spectacularisation en l'occurrence, oui, Dominique Khalifa. Et ça c'est un point majeur parce qu'effectivement ça va beaucoup frapper, voire attrister un certain nombre de promoteurs de l'exposition. Il faut se souvenir que les expositions universelles au départ ont ont un but aussi d'éducation pédagogique, d'éducation des masses. Mais on avait commencé à voir, c'est pas nouveau ce qui se passe en 1900, on avait déjà commencé à le percevoir en 89, effectivement, le fait que la réjouissance, la fête, devient quelque chose, le spectacle, devient quelque chose qui prend le pas, d'une certaine manière, sur l'éducation populaire. Et ça, je crois que c'est tout à fait caractéristique aussi de l'ambiance générale de 1900. Le fait qu'effectivement, aujourd'hui, lorsque l'on évoque, et l'exposition le fait, c'est bien sûr bien naturel, l'atmosphère de 1900, on va surtout mettre l'accent sur le spectacle, sur la dimension festive, sur la dimension récréative, ce que l'exposition, d'une certaine manière, déjà avait anticipé, ce qu'ils aimaient voir, nos aïeux, c'était la grande roue, les 1600 places de la grande roue, le trottoir roulant qui fascinait les visiteurs, les fontaines Wallace, les feux d'artifice, etc. etc. Christophe Leribaud. Oui, d'ailleurs, l'exposition prend comme mascotte, si je puis dire, comme emblème, la figure de la Parisienne qui surmonte l'entrée principale de l'exposition et qui, au lieu d'afficher la France, la République, en 89, l'exposition était beaucoup plus politique. C'était le centenaire de la Révolution. Certaines monarchies avaient refusé de venir à Paris. En 1900, on place à l'entrée de l'exposition une énorme sculpture de 6 mètres de haut qui représente la Parisienne souriante, bien habillée par Jeanne Paquin. Et on peut même acheter le patron pour recréer le costume si on veut... Pour soi-même. Et c'est un petit peu ce que nous avons mis en exergue à l'entrée même de notre exposition sur cette image de Paris. Périne. Oui, puis il faut aussi dire, et ça, c'est un des charmes de cette exposition, que l'exposition universelle a été filmée par les Frères Lumière et que chaque sas entre les différentes salles, il y a 6 salles, je crois, on traverse un film des Frères Lumière qui est rendu presque à notre échelle. Et donc, on a l'impression de déambuler avec les spectateurs de l'exposition universelle. Et on voit en effet le fameux trottoir roulant et les gens qui vont et viennent, qui montent à l'intérieur du petit palais. Oui, c'est vrai que pour l'exposition, on a travaillé avec le scénographe Philippe Pumain et on a privilégié justement une scénographie immersive avec un pavillon, avec une scénographie qui est propre à chaque pavillon. Et puis ce qui fait l'unité justement de notre exposition, c'est ces couloirs de films en fait, hein, qui permettent déjà de faire reposer un peu le visiteur et puis de faire une transition entre chaque pavillon et de montrer aussi des images d'époque, des images d'archives. Évidemment, les Frères Lumière sont à l'honneur. On en parle aussi dans une section consacrée au cinéma. Mais on voulait justement présenter le cinéma de différentes manières, aussi bien en tant que témoignage historique, que source aussi de l'époque, et puis en tant qu'invention aussi technique de cette époque. Alors on remercie les gens qui s'occupaient de cette exposition universelle de ne pas avoir donné grâce à celui qui voulait remodeler la Tour Eiffel, puisque c'était un des projets potentiels. On voulait refaire deux petites tours derrière la Tour Eiffel. C'était d'ailleurs un des architectes qui avait travaillé avec Eiffel qui voulait le faire, cela, et donc ça n'a pas été mis en place, et on est content d'avoir la Tour Eiffel telle qu'elle est tous les matins quand on est dans son bureau de la Maison de la Radio. Alors, si on avance avec vous, vous parliez spectacle tout à l'heure, Dominique Khalifa. Un des grands chantiers, pourrait-on dire, de l'historiographie du 19e, Second Empire, fin du 19e siècle et cette période d'avant 1914, c'est le chantier... il y a Jean-Claude Dion qui est dans ce catalogue, mais d'autres aussi qui travaillent autour de ces questions-là. Des spectacles, pourrait-on dire, tels qu'ils se développaient à Paris à l'époque. J'ai cité tout à l'heure, en lançant l'émission chez Marc Voinchet, les 274 supposés cafés-concerts qui se tenaient à Paris. Vous êtes en train de travailler sur le sujet, vous dites on pourrait en discuter, de savoir si c'est vraiment 274 et quelle importance si c'est 274. Mais néanmoins, c'est quoi ce spectacle et pourquoi Paris est une ville de spectacles? Opéra, opérette, salle de théâtre, café-concert, etc., etc., à cette période-là. Et le boulevard, et la rue, et le spectacle de la ville, qui effectivement, depuis l'haussmannisation, est devenu peut-être même le cœur de la spectacularisation de la ville. Bah oui, on est à un moment effectivement où l'ensemble des sociétés occidentales sont en train de basculer dans la culture de masse. Enfin, ça a déjà commencé depuis quelque temps. Christophe Charles a travaillé cela en comparant Paris, Londres et Berlin, par exemple. Oui, je pense effectivement que Paris et Londres sont sans doute les deux cités qui ont le plus contribué à infléchir effectivement les modalités de la production et surtout de la consommation culturelle. Et on sait effectivement qu'au cœur de ces nouvelles façons effectivement de consommer de la culture, le visuel est quelque chose chose qui a pris une place grandissante. Alors le visuel, c'est à la fois effectivement le mouvement de la ville, cette espèce de maelstrom du boulevard avec toutes ces figures, et Paris est au cœur de ça, mais ce sont aussi bien sûr tous ces spectacles qui vont se développer. La plupart des catégories populaires vont voir après 1860-70 les revenus s'améliorer un petit peu. On commence à avoir un petit budget possible effectivement pour des activités culturelles, pour aller au café-concert le samedi soir après le Turbin, comme le dit la chanson de Viens Poupoule. Et effectivement, c'est quelque chose qui devient au cœur des pratiques et de la consommation. Un des discours historiographiques sur cette période-là, c'est le discours sur la culture de masse. Est-ce que c'est à ce moment-là que naîtrait ce qu'on appelle la culture de masse ? Alors, vous l'évoquez dans le catalogue, Dominique Khalifa. Vous parlez une belle phrase de l'obsédante présence dans la ville du papier journal, par exemple. Alors, en deux temps, la notion de culture de masse apparaît plus tard. On sait que c'est autour des années 1940, autour des travaux des sociologues de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, Benjamin, un petit peu avant que la notion est née, celle-là ou celle de... Mais est-ce qu'on peut l'appliquer Oui, on peut l'appliquer effectivement parce que les contemporains ont eux-mêmes été sensibles à l'idée de l'industrialisation de la culture. Mmh. Très très tôt, on va parler de romanciers industriels pour parler des feuilletonistes. Très très tôt, effectivement, on va parler d'industrialisation de l'activité théâtrale. Très très tôt, effectivement, on va percevoir effectivement que quelque chose se passe dans la production culturel, généralement pour le déplorer, qui est en train de standardiser et d'une certaine manière de niveler vers le bas, parce que c'est toujours effectivement ce discours qui va l'emporter, la production culturelle. Le papier journal. Alors le papier journal, bien sûr, au cœur de cette industrialisation de la consommation culturelle, il y a l'imprimé de toutes sortes. On n'a jamais imprimé autant d'exemplaires de journaux, mais pas seulement d'exemplaires de journaux, de fascicules, de tracts. Quand on retrouve les photos du Paris de l'époque qui sont extraordinaires. Les murs sont couverts d'écrits. Les murs sont couverts d'écrits. Les kiosques, les palissades. On parlait du métro tout à l'heure, mais on sait que les couloirs du métro ont été très très vite aussi remplis d'affiches. Et ce qui est caractéristique, et ça va tout à fait dans le sens que vous évoquez, Emmanuel, c'est que la plupart de ces affiches parlaient de production culturelle. On fait des affiches pour les romans feuilletons, on fait des affiches pour les spectacles, on fait des affiches pour les cabarets, pour le théâtre. En quelque sorte, effectivement, une immense culture imprimée est en train de valoriser la production culturelle et la production des spectacles. Et l'image. Et l'image. Et bien sûr, au cœur de cette production. Périne Caron. Oui, d'ailleurs, dans votre article, Dominique Khalifa, vous soulignez bien qu'il ne faut pas entendre culture de masse dans un sens péjoratif et que, au contraire, vous dites que c'est un partage finalement de la culture avec le plus grand nombre. Oui, il faut le prendre comme tel. Et les cartes postales qu'on n'a pas évoquées aussi et qui sont bien sûr au cœur de cette production imprimée qui diffuse à des millions d'exemplaires avec des millions et des millions de tonnes de papier, une sorte effectivement d'entrée en démocratisation de la culture. Vous citez, je vais donner tout de suite la parole à Christophe Leribaud, mais vous citez dans votre article qui est dans le catalogue de cette exposition 1900, cette phrase d'un journaliste de l'Opinion de mai 1908 qui dit « Des images, encore et toujours des images, le XXe siècle, si les choses continuent d'aller au train où elles courent depuis quelques 15 ans, pourra justement s'appeler le siècle de l'image. Elle est partout, revêt toutes les formes, elle s'adapte à tout, elle envahit tout, domine tout, elle se substitue à tout. Le temps est proche où l'on ne lira plus, où l'on ne pourra plus que regarder les images. » C'est assez amusant, effectivement, d'avoir un texte de 1908 qui traite de ces questions-là. Christophe Leribaud. Et d'ailleurs, ces affiches sont beaucoup moins typographiques que précédemment. On voit de nombreux artistes très importants, comme Lautrec, comme Stenlen, Chéret et d'autres, Mucha bien sûr, grande figure de l'époque, se prêter aux médias de l'affiche, n'hésitant pas à aller de production très, très luxueuse pour une clientèle réduite à l'art de l'affiche. D'ailleurs, il y a des premiers collectionneurs d'affiches qui les collectent dès leur sortie des presses, pour lesquelles on leur fait aussi pour eux des tirages spéciaux. Il y a des salons, des expositions d'affiches. Oui, d'ailleurs, on sent dans l'exposition cette importance des affiches. Elles sont très présentes, elles accompagnent vraiment le spectateur. Et puis aussi, on sent ce plaisir de la collection qui commence déjà avec la multiplication des images, justement. Oui, justement, on présente différents types d'affiches, aussi bien des affiches de salon, justement, annonçant le Salon des 100, par exemple, que les affiches, justement, dont parlait Christophe, les affiches de Mucha, hein, qui célèbrent, justement, la carrière naissante de Sarah Bernhardt, hein, et puis des affiches aussi de toutes les formes de spectacles, justement, que ce soit l'hippodrome, le cirque, les montagnes russes. Et c'est justement ce qu'on a voulu montrer, c'est cette diversité aussi des spectacles. Et puis, comme le disait Dominique Khalifa, c'est que le spectacle est aussi dans la rue. C'est parfois simplement une danseuse de corde ou les jeux dans la rue, des lutteurs aussi qu'on présente à travers des estampes, notamment de Chahine, qui justement sont un témoignage en fait de ces différentes formes de spectacles, aussi bien dans des lieux dédiés que simplement dans la rue. Si je peux dire justement à propos de tes affiches, il se passe quand même quelque chose de fantastique et qui est très très important pour la suite des opérations, à savoir que autour de cette notion qui est quand même de la publicité, qui est une notion commerciale, on va effectivement avoir une valorisation de la création esthétique et de voir effectivement que quelque chose se passe à ce moment-là qui brouille les frontières entre le haut et le bas, qui fait effectivement qu'un artiste comme tous les autres ou d'autres pourront peindre des affiches pour les Moulins Rouges, que Capiello pourra faire une œuvre avec les bouillons cubes, et que quelque chose effectivement est en train de s'articuler entre la culture légitime, la culture esthétique, la culture du haut, et puis la culture industrielle et la culture de masse. Et ça, c'est sans doute une des grandes innovations de ce moment. Alors à propos justement de Paris, capitale des arts, en se tournant du 19e et du 20e siècle, vous avez continué à vous promener dans cette exposition sur Paris 1900, la ville spectacle, donc avec Susanna Gallego, Perrine Kervran, et vous êtes arrêté devant un tableau d'Evenpool qui évoque justement cette capitale, cette attraction parisienne pour les artistes du monde entier. Susanna Gallego, là on est donc devant un grand tableau qui doit faire 2,50 m sur, je ne sais pas, 1,80 m, enfin bon, à vue de nez. Et on voit face au Moulin Rouge un homme barbu avec une longue pèlerine doublée d'un tissu écossais, un col un peu à la manière de Sherlock Holmes, et puis il a un large chapeau. C'est un artiste qui incarne la bohème, on pourrait dire, du Moulin Rouge. En fait, il incarne beaucoup de choses. C'est un peu pour ça qu'on l'a choisi. C'est une œuvre d'un artiste belge, Henri Evenepoel, qui représente un ami espagnol, basque, Iturrino. Et ce sont deux artistes qui se sont rencontrés à Bruxelles et qui se retrouvent à Paris. Qui se retrouvent à Paris comme à peu près tout le monde à ce moment-là, puisque c'est la ville dans laquelle il faut absolument, non pas uniquement faire ses armes, mais triompher. Montmartre est un peu le QG d'un certain nombre de gens, et notamment des Espagnols à Paris. Picasso arrive dans 2 ans, il arrive en 1901. Paris est le centre du monde artistique. New York ne volera l'idée d'art moderne qu'après la Première Guerre, en fait, pour tout un tas de raisons économiques, parce que les artistes fuient ou sont mobilisés ou meurent carrément au front. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, la bohème fait encore rêver. Bon, c'est une construction de toutes parts, parce qu'effectivement, ils sont nombreux à avoir faim et à ne pas avoir de succès. Iturrino vient ici incarner l'artiste, le bohème de Montmartre, avec le chapeau, la capeline qui sert à cacher le carton à dessin en temps de pluie et qui sert aussi à cacher le carton à dessin en cas de rixe, puisque comme leurs sujets sont les malfrats et autres prostituées qu'ils ont sous la main, ils ne sont pas forcément très bienvenus, ces artistes qui croquent à tout va, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des modèles professionnels. Mais c'est effectivement, oui, ça incarne un peu ce rêve de Montmartre qui à l'époque était encore très vivace, puisque, entre autres, à Montmartre, il y avait la place, il y avait des ateliers. C'est pour ça que se créent des quartiers artistiques comme dans les années 20-30 à Montparnasse. C'est encore aujourd'hui le cas, hein, puisque les artistes se rendent dans des quartiers dans lesquels les loyers sont abordables. Du coup, ils peuvent installer des grands ateliers avec de la surface, ce qui attire les collectionneurs d'art et les marchands, ce qui attire à son tour une clientèle plus large et ce qui fait qu'un quartier devient à la mode. En gros, ça a été le cas à Paris récemment avec Montreuil. Tout ça a lieu à Pantin maintenant même. Bon, effectivement, à ce moment-là, Montmartre est un lieu où peuvent se croiser les riches et les pauvres, les riches pour le goût du frisson, les pauvres parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Voilà donc pour ce tableau d'Evenpool qui évoque justement la peinture de l'époque. Est-ce qu'on a une idée, Gaëlle Rio, de la hiérarchisation culturelle implicite autour de cette exposition de 1900 entre ceux qui font des arts décoratifs? On parlait tout à l'heure à l'instant même avec Dominique Khalifa de ce grand mélange où des artistes reconnus vont faire des affiches, etc. Mais est-ce qu'on a comme cela, dans ce bouillonnement de 1900, une sorte de hiérarchisation implicite ou pas, justement entre ceux qui ont fait les beaux-arts, ceux qui font autre chose, etc. Alors, c'est quand même l'époque des salons, hein, même si on est à un tournant où il y a l'émergence des galeries, justement, où ça va être plutôt là où que se montre la production artistique. Mais je dirais quand même 1900, c'est l'épanouissement des arts décoratifs avec l'art nouveau qui est présenté à Paris. Alors, l'art nouveau n'est pas un courant proprement parisien, c'est un courant européen qui est aussi bien présenté à Bruxelles, à Vienne, à Nancy. Mais Paris est quand même une vitrine. L'exposition universelle est une vitrine aussi de l'art nouveau. Les grandes manufactures, notamment la Manufacture nationale de Sèvres, a un pavillon et présente justement des productions d'Hector Guimard, d'Agathon Léonard, de Gallet, qui sont typiquement art nouveau. Donc l'art décoratif est quand même mis à l'honneur à l'exposition universelle de 1900. Et au salon, la peinture, la sculpture sont quand même présentées, mais avec, je dirais, pas de hiérarchie forcément entre les différents courants artistiques. Est-ce que ça n'est pas aussi une des vertus de se replonger dans une époque comme celle-ci, Dominique Khalifa, que d'entendre tout à l'heure Susanna Gallego dire que Guimard était à l'époque un architecte montant, c'est-à-dire d'une certaine façon de se mettre dans la posture de ces gens qui voient arriver de nouveaux artistes qui sont aujourd'hui des artistes ou des architectes consacrés, mais qu'à l'époque évidemment ils ne sont que un parmi des centaines ou des milliers d'autres. Oui, je pense qu'il faut se méfier effectivement de ces erreurs de perspective-là et puis se rendre compte aussi que ce que nous voyons avec 1900, mais c'est important de le percevoir comme ça, c'est aussi une reconstruction qui a été qui est le produit de tout le XXe siècle. Dès les années 1900, enfin surtout à partir des années 1930, on va voir effectivement un certain nombre d'acteurs importants, je pense à des gens comme Varnaud ou des gens comme Paul Morand, effectivement, afficher un label 1900 et reconstruire à partir de là, effectivement, ce qui est aussi notre hiérarchie culturelle, celle qui a été reconstruite par le XXe siècle et le XXIe. Si on veut s'intéresser à ce que les contemporains percevaient effectivement comme le tout venant de la production artistique, on risque d'avoir des surprises et de ne pas rencontrer ceux qui, effectivement, aujourd'hui, sont pour nous au cœur du Paris 1900. Mais ça, c'est le mouvement naturel de l'histoire et c'est bien comme ça. Et c'est le tri, effectivement, qui est effectué par les années. Périne Kervran. Oui, d'ailleurs, quand on se promène dans cette salle consacrée aux Beaux-Arts, c'est assez frappant. C'est-à-dire que vous avez effectivement, comme on l'a dit, reproduit un accrochage qui est très proche des accrochages de salons de l'époque, avec des tableaux très proches les uns des autres, les murs presque recouverts d'œuvres, et puis effectivement ce mélange des gens. C'est-à-dire que le tableau d'Evenopoul, à côté de lui, un petit peu caché, on a un Cézanne, on a un Monet, on a des symbolistes, on a Rodin, on a tout en même temps au même endroit. Christophe Leribaud. D'ailleurs, on a placé à l'honneur un grand pastel de Charles Léandre, car Dominique Lobstein, qui a mené une sorte de recension de toutes les expositions artistiques qui ont eu lieu à Paris pendant la décennie 1895-1905, a montré dans cet énorme répertoire qui conclut le catalogue qu'un artiste comme Charles Léandre était le plus exposé à Paris à ce moment-là. Oui, hier, on parlait de Delaroche, qui était le grand peintre d'histoire des années 1840-1850. 150 qui est un peu oublié aujourd'hui, c'est un peu le cas pour Léandre, c'est-à-dire pour la même période, voilà, on ne sait pas du tout qui est ce personnage-là. Cela dit, la grande acquisition de peinture du Petit Palais cette année, c'est un tableau de Paul Delaroche, justement. Donc, il est très bien ce Paul Delaroche. Il est pas mal ce Paul Delaroche, effectivement. Donc, cette façon d'accrocher, c'est aussi pour se replonger dans une sorte de façon de voir de 1900, c'est-à-dire quelles étaient les façons de regarder, les façons de voir dans cette période-là, qui ne correspondent pas évidemment, en particulier pour ce qui est de l'art, aux façons de voir des années 30, des années 50 et des années des premières années du 21e siècle, Christophe Leribaud. Oui, parce qu'une exposition ne s'articule pas comme un livre, et dans l'exercice, on a le plaisir d'accrocher des œuvres, et en insistant un petit peu sur ce mélange, parce que autant dans des salles de musées, de collections permanentes, on est obligé finalement de clarifier les choses, d'avoir une salle sur le naturalisme, ensuite sur le symbolisme, sur l'impressionnisme, le post-impressionnisme, l'académisme, les nouvelles tendances esthétiques. Et là, on peut montrer évidemment que Paris 1900 est associé, cela dit, pas toujours à des très grands noms. On pense tout de suite à Jean Béraud, à ces scènes des boulevards, mais c'est aussi Monet, Cézanne, etc. Mais pas seulement les grandes révolutions. On peut se mettre dans la situation d'un collectionneur américain arrivant par paquebot au Havre, prenant le train, etc. Et confronté à une effervescence artistique. Et d'ailleurs, il est rare qu'un collectionneur achète uniquement dans un seul domaine. Souvent, quand on regarde ce véritablement ils ont au mur, il y a à la fois des impressionnistes, mais aussi des figures un peu oubliées. Gaëlle Rio. Oui, je rebondis justement sur des artistes comme le disait Christophe, comme Jean Béraud justement, qui est un artiste notamment exposé au musée Carnavalet, dont on présente un certain nombre de représentations, et notamment il a représenté de nombreuses Parisiennes en fait en situation dans Paris, et c'est un type de représentation aussi qui va rester dans l'imaginaire aussi collectif, justement pour mettre à l'honneur cette Parisienne, cette élégance et ce chic parisien qui et pour lesquels viennent de nombreux étrangers à Paris. Oui, mais ça, c'était déjà le cas en 1815, lorsqu'on se pressait, une fois Napoléon défait, au Palais Royal pour voir ces fameuses Parisiennes, Dominique Khalifa. Ou sous le Second Empire. Ce qui est étonnant, c'est de voir la façon dont des périodes se mémorisent et privilégient et célèbrent les âges d'or qui les ont précédés. Vous avez sans doute tous vu le film de Woody Allen sur Midnight in Paris, dans lequel, effectivement, l'Américain vient à Paris, Montparnasse à Nevin, et puis il rencontre une Parisienne et la Parisienne l'emmène à la Belle Époque. Et si on se pose la question sur autour de 1900, quelle était la période effectivement qui fascinait et qui pouvait apparaître comme l'âge d'or, on remonte au Second Empire. et ce jeu de temporalité est toujours effectivement extrêmement intéressant à percevoir. Périne Carvent. Et puis alors il y a aussi dans cette exposition une partie consacrée à la mode, à la Parisienne effectivement, qu'on a déjà évoquée. Et peut-être il faut insister un peu là-dessus parce que ce n'est pas si souvent finalement dans une exposition qu'on peut comme ça avoir accès à la manière dont on avait de s'habiller. Que ce soit pour sortir ou dans la vie de tous les jours. On voit à quel point les femmes parfois étaient empêchées finalement dans leur mouvement et puis pour certaines autres activités, on leur crée des vêtements avec lesquels elles pouvaient quand même se déplacer et trotter dans la rue. Et c'est quelque chose qui était important pour vous, l'un et l'autre, dans cette exposition, que de mettre ça en valeur, la question de la mode. Gaëlle Rio. Oui, parce que en fait, ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, le concept de départ, c'est l'attractivité parisienne à cette époque, en 1900. Et donc, on a voulu justement définir un peu toutes les facettes de cette attractivité. Donc, on en a parlé, les arts, les techniques, les inventions, l'exposition universelle et la mode avec la haute couture, les salons et puis cette image du chic parisien sont des éléments de cette attractivité parisienne. Et c'était aussi l'occasion de mettre en valeur des éléments de costume, la silhouette aussi de la parisienne, grâce justement au fond très riche du musée Galliera, qui est le musée de la mode et du costume de la ville de Paris. Et le Parisien, lui, il n'attire pas. Il l'attire moins que la Parisienne. C'est vrai qu'il y a l'image de Paris est construite quand même sur cette image de la femme. Dominique Khalifa. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'important autour de ce moment sur la libération des corps. On s'intéresse beaucoup effectivement aux corps, aux silhouettes, et on sait et sans doute dans l'idée d'insouciance, de légèreté, de libération que cette période porte avec elle, il y a l'idée effectivement que les corps vont se libérer. C'est vrai à la fois effectivement parce que on sait que les femmes vont progressivement se libérer du corset. On s'aperçoit aussi qu'on est à un moment très très important dans l'évolution des silhouettes où les corps vont s'affiner. L'idée de faire jeune, c'est lié à la bicyclette, c'est lié au début des bains de mer. On est à un moment effectivement d'une vraie inflexion de notre relation au corps, avec l'idée effectivement que le début de le sport se développe à cette période, venu d'Angleterre, mais il se développe à cette période. Il y a vraiment une prise en compte effectivement de la sveltesse et de l'énergie corporelle qui est quelque chose de très important dans ce moment. Peut-être une des choses tout de même qu'on a du mal à comprendre, c'est que Paris n'est pas une ville automobile à l'époque, ça n'est qu'une ville hippomobile, en l'occurrence Christophe Floribot, c'est-à-dire que le transport tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si l'origine de cette modernité, comme on le dit depuis le départ, c'est bien ces années 1900, il y a quelque chose de profondément différent, des animaux partout, par exemple dans la ville de Paris. Beaucoup de chevaux, bien sûr. Il y a un tableau très amusant à Carnavalet, qui est un petit peu postérieur, qu'on n'a pas emprunté pour notre exposition, où on voit la livraison de voitures au salon de l'auto, au Grand Palais, donc en face, et elles sont installées sur des sortes de chariots traînés par des chevaux. Ouais, c'est ça, parce que et le paysage olfactif du Paris est très différent, parce que ça sent le crottin, ça sent le charbon aussi, la vapeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment une locomotive à vapeur, mais ça a une odeur très très particulière. Il y a tout un paysage olfactif dans ce Paris-là qui est... Et on est dans ce passage, par exemple, pour la carrosserie, où en fait, toutes les carrosseries de ces nouvelles voitures qui sont en train de naître, sont inspirées, est inspirée cette carrosserie, des carrosseries hippomobiles, c'est-à-dire qu'on ne va faire que transposer, enlever les chevaux et transposer ce qui était posé sur les carrosses avec un moteur. Et donc, on a encore cette indécision, pourrait-on dire, de l'avenir pour ce moyen de transport. Absolument. Et les fiacres sont encore partout. Hein. Christophe Leribaud. Et la voiture est évidemment encore quelque chose de très chic. Et sur le grand imagier de la période, Gervex, a représenté le restaurant Le Pré-Catelan au Bois de Boulogne. Et on voit la comtesse Greffeuil, au fond, quitter le restaurant pour entrer dans une voiture, justement. Alors, troisième objet de cette exposition, troisième partie de cette exposition avec vous, dans votre promenade, Perrine Kervran, dans cette exposition 1900 au Petit Palais avec Susanna Gallego. Là, c'est un film. Alors là, c'est le cinéma. Donc, on a évoqué les images, on a évoqué la culture qui se démocratise, les Frères Lumière qui filment cette exposition universelle et donc le cinéma qui s'installe dans les habitudes de tous. Et donc, évidemment, Méliès, le père du cinéma. C'est l'un des films anciens de l'histoire du cinéma les plus connus et en fait, personne ne l'a vu. C'est très amusant puisque tout le monde connaît la célèbre scène de la fusée qui se plante dans l'œil de la lune, qui a une face anthropomorphe. C'est vraiment une image canonique quasiment quand on veut parler de la naissance du cinéma. Alors que c'est un film très drôle, c'est une aventure de savants qui s'embarquent pour la lune, pour aller découvrir la lune. Et sur la lune, que trouve-t-il ? Des lunaires qui ont une sorte de tête entre crabe et aller savoir quel type de crustacé est curieux. Sur la lune poussent des champignons, sur la lune il se passe beaucoup de choses et donc ils sont confrontés avec ces habitants de la lune qui les poursuivent et donc ils partent en catastrophe avec un prisonnier sur la terre et ils sont accueillis en triomphateurs à leur retour. C'est un tout petit film qui dans sa version originale et complète faisait 16 minutes. Ici nous montrons une copie un peu tronquée, il lui manque le premier tableau, donc on a à peu près 11 minutes et quelques de film, mais on a choisi cette version colorisée et restaurée par Méliès lui-même. Il est le seul à cette époque en 1900, le voyage dans la lune date de 1900, et il est le seul en 1900 à croire que le cinéma a un avenir. Parce qu'en fait, les Lumières, eux, commercialisent ce que nous appelons aujourd'hui des documentaires. Quelques petits films de fiction, comme L'Arroseur arrosé, qui est archi connu. Mais en gros, ils ne se disent pas qu'ils peuvent vraiment devenir riches avec ça. Méliès, lui, qui vient du monde du théâtre, il est prestidigitateur. Donc rompu aux effets et aux trucages déjà sur scène, Méliès se dit que ça a un potentiel énorme et il se lance dans la production de films. Il en produit énormément avec une inventivité folle. C'est juste génial, vraiment il invente les effets spéciaux avec du carton pâte et des surimpressions. Le tout dans son studio Verrières-Serre de Montreuil, où il crée la compagnie Star Films. Il a tellement de succès qu'il doit créer, il doit prendre des mesures pour éviter de se faire pirater ses films, qu'il diffuse aussi largement que possible. C'est vrai que c'est un spectacle de foire encore, le cinéma. On parle de cinéma muet, c'était loin d'être silencieux. Il y avait quelqu'un qui faisait de la musique, il y avait un bon aimanteur qui... très expressivement vous montrait ce qu'il fallait voir dans l'image, qui brodait par-dessus l'histoire. On voit Méliès à peu près à tous les plans, puisqu'il fait tous les rôles, caméraman, metteur en scène, acteur, costumier, il saute dans tous les sens. Méliès s'inscrit dans un moment, et là l'exposition le montre bien, dans un moment de spectacle à grande échelle, de spectacle pour tous, avec ces grands boulevards qui foisonnent d'attractions toutes plus originales, différentes et étonnantes les unes que les autres. Oui, il rejoint ce goût pour le merveilleux du public 1900, le goût pour le merveilleux et le kitsch. Ce public-là, en 1900, n'a vraiment pas froid aux yeux. Et Méliès fait feu de tout bois. On pensait notamment à un film qui aurait pu être intéressant, qui s'appelle Le Cakewalk Infernal. Le cakewalk est une danse qui vient des États-Unis. En 1900, il est très populaire. Ça se danse un peu dans tous les cabarets. Et donc Méliès se saisit de l'actualité, comme il saisit bien faire, et il met en scène cette danse des Noirs américains en enfer, et donc il joue lui-même le rôle du diable, qui bien sûr a les membres qui se détachent. Bon, ça, c'est une ronde endiablée qu'on peut aisément imaginer dans une salle qui se met à danser elle-même. Et c'est ce genre de choses qui le fait incarner à nos yeux cet esprit festif et très, très pétillant de 1900. Voilà donc pour cette présentation de cette exposition 1900. Alors Dominique Califat, vous disiez il faudrait s'imaginer ce que sent Paris à l'époque. C'est compliqué pour un historien. On sait qu'il est compliqué, on en a discuté ici même il y a peu de temps, et le travail qui était mené par exemple à Péronne sur le son de la Grande Guerre, c'est aussi de savoir ce qu'on entend à l'époque. Quel est le bruit? Par exemple, on nous dit cinéma muet et on nous explique qu'il y avait un bonimentaire sur scène qui commentait les scènes du film, parce qu'il fallait expliquer ce qu'était ce nouveau média qu'était le cinéma. Donc, c'est quoi le son de ce 1900, vous qui êtes plongé dans la préparation de cet ouvrage que vous faites sur la Belle Époque ? Il y a bien sûr, c'est une époque aussi pour laquelle on a conservé beaucoup d'enregistrements, donc on connaît les chansons. Connaît ça, hein, ouais. On entend Paulus, on entend Bruant, on entend Yvette Guilbert, tout ça. Même si effectivement, ce sont parfois des sonorités un petit peu difficiles, un petit peu usées. Mais oui, mais il faut comprendre aussi pourquoi ça leur plaisait. Pourquoi ça leur plaisait à l'époque et ça ne nous plaît plus non plus, en l'occurrence, la différence entre cette période-là et aujourd'hui. Mais au cinéma, par exemple, il y a du bruit tout le temps. Puis il n'y a pas seulement les bonimenteurs ou les pianistes. La salle fait du bruit. Vous savez, on est encore à une époque où au café-concert comme au cinéma, le public vient faire du chahut, vient faire du potin. Le mouvement aussi est dans la salle. Il y a une vraie réjouissance populaire où les gens rigolent, invectivent, interpellent. Enfin, on est encore au café-concert ou au cinéma, dans des logiques interactives. Le cinéma, quand même, je voudrais dire un mot là-dessus. On évoquait tout à l'heure l'image, mais on a tout autour du cinéma. Il y a l'image, bien sûr, mais il y a également la machine. On parlait de culture industrielle. On est au cœur là. C'est les frères Lumière. Ils voulaient pas faire du spectacle. Ils voulaient vendre des appareils et vendre du film, de la pellicule. C'est de l'industrie chimique. Il y a le mouvement qu'on a évoqué aussi. Le mouvement de la ville. Le fait qu'effectivement que ce que les gens vont voir, c'est aussi consommer le mouvement de la vie naturelle. Ce qu'on voit au cinéma souvent, c'est l'effervescence de la rue. C'est pas un hasard non plus si les frères Lumière vont d'abord filmer des scènes, et puis si les actualités quotidiennes, des scènes quotidiennes. Donc là, c'est vraiment quelque chose de fantastique et qui nous montre tout d'un coup effectivement que la société de 1900 a vraiment envie de se projeter au cœur du spectacle d'elle-même. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Périne Caron. Oui, c'est finalement peu à peu, justement, par l'intermédiaire de Méliès, que le cinéma va commencer à raconter des histoires de fiction. Et là, ce voyage sur la Lune en est un des exemples. C'est vraiment les débuts du cinéma de fiction. Absolument. Avec quelque chose aussi. Je crois qu'il faut être assez prudent sur l'invention du cinéma. La plupart des contemporains ont placé le cinéma dans une longue filiation, finalement. Oui. Ce qui se passait avec ça, c'était pas si différent de ce qu'il y avait avec les panoramas, de ce qu'il y avait avec certaines formes de spectacles populaires, de ce qu'il y avait avec les lanternes magiques. C'était simplement plus performant. Et ça permettait de raconter des histoires et de poursuivre ce que Vanessa Schwartz a appelé le spectacle pour la vie quotidienne, le spectacle de nous-mêmes, le spectacle pour la réalité. Une des questions qu'on peut se poser à propos de cette exposition, Christophe Leribaud, vous qui l'avez voulu au Petit Palais, c'est de savoir si vous n'êtes pas subventionné par le ministre de l'économie et du redressement productif, c'est-à-dire celui qui voudrait remettre Paris et la France au centre du monde, parce que tout compte fait, il y a un petit côté nostalgie à se dire qu'à ce moment-là particulier, il y a un peu plus d'un siècle, eh bien Paris, la France, mais Paris en particulier, était au cœur du monde artistique, au cœur du monde de l'invention, au cœur du monde industriel, puisqu'on parlait de l'invention du cinéma, de l'automobile. Enfin, en gros, tout tournait autour de Paris, et ça ne sera plus le cas quelques années plus tard, en l'occurrence Christophe Leribaud. D'ailleurs, on a beaucoup de sollicitations de pays étrangers pour faire circuler l'exposition, ce qui est assez compliqué. Est-ce qu'Arnaud Montebourg est venu la voir, au moins? C'est ça qu'il faudrait. Il viendrait comprendre pourquoi. Il serait le bienvenu, comme tout visiteur d'ici le 17 août. Mais effectivement, on a interrogé ce mythe de Paris de la Belle Époque, qui est très effectif. Il y a sans arrêt en tant que conservateur, si on va au Japon ou ailleurs, ou en Allemagne, la première chose qu'on nous demande, ce sont des œuvres de ce moment. C'est resté très, très mythique, ces grandes marques, de haute couture, de parfums, etc. Mais la question était dans l'exposition de montrer comment tout ça s'est construit dans ces années-là. et a été mis en valeur par l'exposition universelle, donc vraiment au niveau officiel de la ville et de l'État. Périne. Alors peut-être il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, qu'il faudrait peut-être évoquer, qui est présente dans l'exposition. On a parlé donc de la parisienne, on a parlé de l'attrait pour la vie parisienne, pour la vie nocturne. Alors il y a aussi un attrait pour, alors les bas-fonds, le mot est peut-être un peu fort, mais pour l'idée de s'encanailler à Paris. Et effectivement, il y a toute une partie de l'exposition qui traite de la question des maisons closes, des demi-mondaines et de ces femmes qui ont fait à la fois certaines qui vivaient dans la misère absolue et dans des conditions très, très dures, et puis à la fois ces femmes qui faisaient tourner les têtes de certains hommes bien placés. Gaëlle Rio. Oui, bien sûr, les grands de ce monde, aussi bien les grands manias de l'industrie, du commerce, viennent à Paris pour, comme vous l'avez dit, s'encanailler. Ils viennent profiter des plaisirs aussi nocturnes parisiens. Et on a voulu aussi évoquer justement le monde des maisons closes. Ils ne vont pas que dans les galeries, c'est ce que... Exactement. Ils passent des galeries aux maisons closes. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et on présente justement ces maisons closes à travers différents objets, notamment une série de photographies justement d'Albert Brichot qui proviennent du cabinet des photographes du musée Carnavalet, et qui montre justement cette réalité, alors un petit peu mise en scène quand même, de ces maisons closes, de maisons de lieux galants tels que le Chabanais, où on voit non seulement les prostituées, mais aussi le personnel des maisons closes qui travaille et qui pose en fait pour ce photographe qui avait été mandaté justement par la préfecture de police pour... Il y avait vraiment un but moral aussi, un but de sécurité publique qui valorisait les maisons closes, contrairement à la prostitution sauvage dans la rue. Là, on est chez vous. On oui, est dans les bas-fonds de Dominique Khalifa. On vous tend la perche. Oui, merci. Oui, non, je pense que vous pouvez parler de bas-fonds. Hein, ça existe, hein, bien sûr. Et c'est même au cœur, effectivement, de cette découverte de Paris. L'expression tournée des Grands Ducs, vous le savez, est utilisée un petit peu avant. Ça doit être 95, mais on est en plein cœur là-dedans. Effectivement, à l'origine, c'était le Grand-Duc Alexis de la famille impériale qui vient pour visiter les mauvais lieux de Paris, les asiles de pauvres, les bouges. Et les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire ne parle que de ça, d'une certaine façon. Comment des Roumains, en l'occurrence, de fantaisie, arrivent à Paris pour pouvoir ensuite faire la fête. Bien sûr. Mais alors, je crois qu'effectivement, c'est très intéressant quand on s'intéresse effectivement à la façon dont on a lu et dont on a reconstruit, réinventé en permanence jusqu'à aujourd'hui. Parce que d'une certaine manière, cette expo, avec d'autres, continue le mouvement de redécouverte du Paris 1900. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toujours la double face, c'est celle-là, effectivement. C'est d'un côté la face spectaculaire de la production esthétique, des théâtres, de la ville Bernard, de la ville Lumière, etc. Et de l'autre côté, son envers, qui est celui des maisons closes, des asiles de pauvres, des apaches, etc. Et Montmartre, sur lequel vous avez à juste titre insisté tout à l'heure, étant effectivement l'interface absolue de ce type de double vie parisienne, puisqu'effectivement, c'est aussi l'endroit où, au Chat Noir, on va entendre Rodolphe Sali jouer du piano, on va voir, effectivement, et puis l'endroit qui était, disait-on, peuplé de voyous, de pierreuses et de mauvais garçons. Merci à vous Dominique Khalifa, merci à vous Christophe Le Ribaud et Gaëlle Rio. On souhaite grand succès à cette exposition qui se tient jusqu'au 13 août, c'est ça ? 17 même. 17 août, juste au Petit Palais, donc à Paris. Merci donc d'être venu. Et le catalogue très riche de l'exposition s'appelle donc Paris 1900, la ville spectacle, et il est publié aux éditions de Paris Musée. Voilà, Paris Musée, donc Paris 1900, la ville spectacle, pour ceux qui ne pourraient pas aller voir cette exposition. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Élise Leu était à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Vous l'écoutez pendant 1000 jours après la diffusion. Vous la téléchargez, cette émission, pendant l'année qui suit. Vous laissez vos commentaires, si vous le souhaitez, sur nos pages, www.franceculture.fr, la page du jour. Et vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter.